Livre du prophète Ézéchiel, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. Et la 30e année, au 4e mois, le 5e jour du mois, comme j'étais parmi les captifs, près du fleuve Chobar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, prêtre, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Chobar. Et là, la main du Seigneur fut sur lui. Je vis, et voici qu'un vent de tempête venait du septentrion, et une grande nuée, et une masse de feu qui resplendissait alentour. Et au milieu d'elle, on voyait comme l'aspect d'un métal plongé dans le feu. Et au milieu, je vis la ressemblance de quatre êtres vivants. Et voici quel était leur aspect. Ils avaient une ressemblance humaine. Chacun avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau. Ils étincelaient comme l'aspect de l'airain poli. Des mains d'hommes sortaient de dessous leurs ailes, sur leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne tournaient point en marchant. Chacun allait devant soi. Et voici quelle était la ressemblance de leurs faces. Une face d'homme par devant. Une face de lion à droite à tous les quatre, une face de taureau à gauche à tous les quatre, et une face d'aigle à tous les quatre. Et telle était leur face. Leurs ailes se déployaient au-dessus d'eux. Chacun avait deux ailes qui rejoignaient celles de l'autre, et deux ailes qui couvraient son corps. Chacun allait devant soi. Là où l'esprit les faisait aller, ils allaient. Ils ne tournaient pas en allant. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons ardents. C'était comme l'aspect des lampes. Le feu circulait entre les êtres. Le feu était éblouissant. Et du feu sortaient des éclairs. Et les êtres vivants couraient en tous sens, comme l'aspect de la foudre. Et je regardais les êtres vivants. Et voici une roue à terre auprès d'eux, devant leurs quatre faces. L'aspect des roues et leur forme étaient ceux de la pierre de Tarsis, et toutes quatre étaient semblables. Leur aspect et leur forme étaient comme si une roue était au milieu d'une autre roue. En avançant, elles allaient sur leurs quatre côtés et ne se retournaient pas dans leur marche. Leurs jantes étaient d'une hauteur effrayante, et les jantes des quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté d'eux, et quand les êtres s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Là où l'esprit les poussait à aller, ils y allaient, l'esprit les y poussant, et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit de l'être vivant était dans les roues. Quand ils allaient, elles allaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit de l'être vivant était dans les roues. Au-dessus des têtes des êtres vivants était la ressemblance d'un firmament, pareil à un cristal éblouissant. Il était étendu au-dessus de leurs têtes. Et sous le firmament se dressaient leurs ailes, l'une vers l'autre, et chacun en avait deux qui lui couvraient le corps de chaque côté. Et j'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils allaient, comme le bruit des grandes eaux, comme la voix du Tout-Puissant, un bruit tumultueux comme celui d'un camp. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Et ils se faisaient un bruit, partant du firmament étendu sur leur tête. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette ressemblance de trône, il semblait y avoir comme une figure d'homme au-dessus. Au-dedans et à l'entour, je vis comme une forme de métal, comme un aspect de feu, depuis ce qui paraissait ses reins et au-dessus. Et depuis ce qui paraissait ses reins et au-dessous, je vis comme l'aspect du feu, et il y avait de l'éclat tout autour de lui, comme l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui. Tel était l'aspect de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Chapitre 2. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, même jusqu'à ce jour. Ces fils à la face impudente et au cœur endurci, c'est vers eux que je t'envoie, et tu leur diras. » Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Pour eux, qu'ils écoutent ou n'écoutent point, car c'est une maison de rebelles, ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et n'aie pas peur de leurs paroles, car tu es avec des chardons et des épines, et tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leurs paroles et ne redoute pas leur face, car c'est une maison de rebelles. Et tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme la maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais, et voici qu'une main était tendue vers moi, et voici qu'elle tenait un livre roulé. Il le déroula devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Et ce qui y était écrit était des chants de deuil, des lamentations et des plaintes. Chapitre 3. Et il me dit, « Fils de l'homme, ce que tu trouves devant toi, mange-le, mange ce livre, puis va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce livre, et il me dit, « Fils de l'homme, repais ton ventre et remplis tes entrailles de ce livre que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur diras mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple au parler étrange et à la langue barbare que tu es envoyé. C'est vers la maison d'Israël. Ce n'est point vers des peuples nombreux au parler étrange et à la langue barbare, dont tu ne comprendrais pas les paroles, mais c'est vers eux que je t'envoie. Eux peuvent te comprendre. Et la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front endurci et le cœur impudent. Mais voici que j'ai rendu ta face dure comme leur face, et ton front dur comme leur front. J'ai rendu ton front comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point, et ne tremble point devant eux, car c'est une maison rebelle. » Et il me dit, « Fils de l'homme, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles. Va, rends-toi auprès des captifs, vers les fils de ton peuple, et parle-leur en leur disant, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'écoutent pas. » L'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand fracas. Béni soit la gloire du Seigneur au lieu de sa demeure. Et j'entendis le bruit des ailes des vivants qui battaient l'une contre l'autre, et le bruit des roues à leur côté, et le bruit d'un grand fracas. Et l'Esprit m'enleva et m'emporta, et je m'en allai l'amertume et le courroux dans l'âme, et la main du Seigneur était fortement sur moi. Et j'arrivai à Tel Abid, auprès des captifs qui demeuraient au bord du fleuve Chobar, et dans le lieu où ils demeuraient. Là je demeurai 7 jours dans la stupeur, au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, « Tu mourras certainement, et que tu ne l'avertisses pas, et que tu ne parles pas pour l'avertir de sa voix mauvaise, afin qu'il vive, ce méchant mourra dans son iniquité, et je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu auras sauvé ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mette un piège devant lui, il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra dans son péché. On ne se souviendra plus de ses œuvres de justice qu'il aura faites, et je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu as averti un juste pour que ce juste ne pèche pas, et qu'il n'ait pas péché, il vivra certainement, parce qu'il aura été averti. Et toi, tu auras sauvé ton âme. » La main du Seigneur fut là sur moi, et il me dit, « Lève-toi, sors vers la plaine, et là je te parlerai. » M'étant levé, je sortis vers la plaine, et voici que la gloire du Seigneur se tenait là, telle que la gloire que j'avais vue près du fleuve Chobar, et je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et le Seigneur me parla et me dit, « Va t'enfermer au milieu de ta maison. Et toi, fils de l'homme, voici qu'on va mettre sur toi des cordes et qu'on t'en liera, et tu ne sortiras pas au milieu d'eux. Et j'attacherai ta langue à ton palais. Tu seras muet, et tu ne seras pas pour eux un censeur, car ils sont une maison rebelle. Et quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qui veut écouter, qu'il écoute, et qui veut s'en abstenir, qu'il s'en abstienne, car ils sont une maison rebelle. » Chapitre 4. Toi, fils de l'homme, prends une brique, pose-la devant toi, et tu y dessineras une ville, Jérusalem. Mets le siège contre elle, construis contre elle une tour d'attaque. Élève contre elle des terrasses, place contre elle des camps, et pose contre elle des béliers tout autour. Et toi, prends une poêle en fer, et place-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et dirige ta face contre elle. Elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit un signe pour la maison d'Israël. Et toi, couche-toi sur ton côté gauche, et mets-y l'iniquité de la maison d'Israël. Et le nombre de jours que tu resteras ainsi couché, tu porteras leur iniquité. Et moi, je t'ai compté les années de leur iniquité selon le nombre de jours. Durant 390 jours, tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras achevé ces jours, tu te coucheras sur ton côté droit une seconde fois. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda, 40 jours. Je t'ai compté 1 jour pour 1 année. Et tu dirigeras ta face et ton bras nu contre Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici que j'ai mis sur toi des cordes, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain pour toi, selon le nombre de jours que tu seras couché sur ton côté. Tu en mangeras 390 jours. et la nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps en temps. Tu boiras de l'eau par petite quantité, 1/6 de hin. Tu en boiras de temps en temps. Tu mangeras cela sous la forme de galettes d'orge, et tu le feras cuire sous leurs yeux avec des excréments d'homme. Et le Seigneur me dit, « C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé chez les nations où je les chasserai. » Je dis, « Ah, Seigneur l'Éternel, voici que mon âme n'a jamais été souillée. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée depuis ma jeunesse jusqu'à présent, et aucune chair souillée n'est entrée dans ma bouche. » Il me dit, « Vois, je t'accorde de la fiente de bétail au lieu d'excréments d'homme, et tu feras cuire ton pain dessus. » Et il me dit, « Fils de l'homme, voici que je vais briser le bâton du pain dans Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et dans l'angoisse. Ils boiront de l'eau à la mesure et dans l'épouvante. Car ils manqueront de pain et d'eau. Ils dépériront les uns et les autres, et se consumeront à cause de leur iniquité. » Chapitre 5. Et toi, fils de l'homme, prends une lame tranchante, prends-la en guise de rasoir de barbier, et fais-la passer sur ta tête et sur ta barbe. Puis tu prendras des balances à peser, et tu partageras ce que tu auras coupé. Tu en brûleras un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Tu en prendras un tiers que tu frapperas avec l'épée autour de la ville, et l'autre tiers, tu le disperseras au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Et tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les ailes de ton vêtement. De ce reste, tu en prendras encore pour le jeter au milieu du feu, et tu le brûleras dans le feu. De là sortira un feu pour toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations, avec de vastes contrées autour d'elle. Mais, dans sa méchanceté, elle a résisté à mes décrets plus que les nations, et à mes lois plus que les pays qui l'entourent. Car ils ont rejeté mes décrets et n'ont pas marché suivant mes lois. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, que vous n'avez pas marché suivant mes lois, que vous n'avez pas observé mes décrets et que vous n'avez pas agi selon les coutumes des nations qui vous entourent, à cause de cela le Seigneur l'Éternel parle ainsi. Voici que je viens contre toi à mon tour. Moi, j'exécuterai des décrets au milieu de toi sous les yeux des nations, et je ferai contre toi une chose telle que je n'en ai point fait, et que je n'en ferai jamais plus de pareille, à cause de toutes tes abominations. C'est pourquoi des pères dévoreront leurs fils au milieu de toi, et des fils dévoreront leurs pères. J'exécuterai contre toi des jugements, et je disperserai à tout vent ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes infamies et toutes tes abominations, moi aussi je briserai, et mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de compassion. Un tiers de tes enfants mourra par la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée tout autour de toi. Et, pour l'autre tiers, je le disperserai à tout vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ma colère s'assouvira, et j'apaiserai mon courroux sur eux, et je serai satisfait. Et ils sauront que moi, le Seigneur, j'ai parlé dans ma jalousie, quand j'aurai assouvi sur eux mon courroux. Je te livrerai à l'opprobre et à la désolation parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un opprobre et une honte, une leçon et un sujet de terreur pour les peuples qui t'entourent, quand j'exécuterai sur toi des jugements avec colère, avec courroux, et par les châtiments de mon courroux. C'est moi, le Seigneur, qui parle. Quand je décocherai sur eux les flèches funestes de la famine, qui servent à détruire, et que je lancerai sur vous pour vous détruire, car j'augmenterai encore pour vous la famine, et je briserai pour vous le bâton du pain, et j'enverrai sur vous la famine et des bêtes malfaisantes, qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront sur toi, et je ferai venir sur toi l'épée. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Chapitre 6. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras : Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et vallées. Voici que je fais venir contre vous l'épée, et je détruirai vos hauts lieux, et vos autels seront dévastés, et vos colonnes solaires seront brisées, et je ferai tomber vos hommes frappés à mort devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je sèmerai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, les villes seront désolées, et les hauts lieux dévastés, afin que vos autels soient désolés et détruits, vos idoles brisées et anéanties, vos colonnes solaires abattues et vos ouvrages ruinés. Des blessés à mort tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis le Seigneur. Mais je vous laisserai un reste, des réchappés du glaive parmi les nations, quand vous serez dispersés dans les pays. Et vos réchappés se souviendront de moi chez les nations où je les emmènerai captifs, quand j'aurai brisé leur cœur adultère qui s'est détourné de moi, et leurs yeux adultères qui se sont tournés vers leurs idoles. Et ils se prendront eux-mêmes en dégoût pour le mal qu'ils ont fait en commettant toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis le Seigneur. Ce n'est pas en vain que j'ai parlé de faire venir sur eux ces mots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Frappe dans ta main et bas du pied, et dis, hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui va périr par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, et celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui sera resté et sera conservé mourra de faim. Et j'assouvirai sur eux mon courroux. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand leurs morts seront couchés au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, et sous tout chêne au feuillage touffu, à l'endroit où ils ont offert un encens d'agréable odeur à leurs idoles. J'étendrai ma main contre eux, et je rendrai le pays désolé et dévasté, depuis le désert jusqu'à Dibla, partout où ils habitent, et ils sauront que je suis le Seigneur. Chapitre 7. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel au pays d'Israël. La faim vient sur les quatre coins de la terre. Maintenant la faim vient sur toi. Je vais donner cours à ma colère contre toi. Je te jugerai d'après tes œuvres. Je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas, et je serai sans pitié, car je ferai retomber sur toi tes œuvres, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, un malheur, voici qu'il arrive. Une faim vient, la faim arrive. Elle s'éveille contre toi, voici qu'elle arrive. Ton sort est venu, habitant du pays. Le temps vient, le jour est proche. Du tumulte, et non le cri de joie sur les montagnes. Maintenant, je vais sans tarder répandre mon courroux sur toi. J'assouvirai sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, et je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Mon œil n'épargnera pas, et je serai sans pitié. Je ferai retomber sur toi tes œuvres, tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui frappe. Voici le jour, voici qu'il vient, ton sort est arrivé. La verge fleurit, l'orgueil éclot. La violence s'élève pour être la verge de l'impiété. Il ne restera rien d'eux, ni de leur multitude, ni de leur tumulte, et ils n'auront plus d'éclat. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, et que le vendeur ne s'afflige point, car la colère va éclater sur toute leur multitude. Le vendeur ne rentrera pas en possession de ce qu'il aura vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la vision contre toute leur multitude ne sera point révoquée, et nul par son péché n'assurera sa vie. On sonne la trompette, et tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma colère est contre toute leur multitude. Au dehors, l'épée, au dedans, la peste et la famine. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la peste le dévoreront. Si des fugitifs parmi eux s'enfuient, ils erreront sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun pour son péché. Toutes les mains sont défaillantes, et tous les genoux se fondent en eau. Ils se revêtent de sacs et la terreur les enveloppe. La confusion est sur tous les visages, et toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux de l'ordure. Leur argent et leur or ne pourront les délivrer, au jour de la colère du Seigneur. Ils n'en rassasieront pas leur âme, et n'en rempliront pas leurs entrailles, car c'est là ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Des joyaux dont ils se paraient, ils faisaient leur orgueil. Ils en fabriquaient leur abomination, leur idole. C'est pourquoi je changerai tout cela en ordure, et je le livrerai en pillage aux mains des étrangers, en proie aux impies de la terre. Et ils le souilleront. Je détournerai d'eux mon visage, et on souillera mon trésor. Des hommes de violence y entreront et le souilleront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli d'attentats, et la ville de violence. Et je ferai venir les plus méchants d'entre les peuples, et ils s'empareront de leurs maisons, et ils mettront fin à l'orgueil des puissants, et leurs lieux saints seront profanés. La ruine vient. Ils chercheront la paix, et il n'y en aura point. Il arrivera malheur sur malheur, et nouvelle sur nouvelle. Et ils chercheront des visions auprès des prophètes, et la loi fera défaut aux prêtres, et le conseil aux anciens. Le roi sera dans le deuil, le prince se vêtira de tristesse, et les mains du peuple du pays trembleront. Je les traiterai d'après leurs œuvres, je les jugerai selon leurs mérites, et ils sauront que je suis le Seigneur. Chapitre 8. La sixième année, au sixième mois, le cinquième jour du mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi, et je vis. Et voici une figure qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui paraissait ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins jusqu'en haut, c'était comme l'aspect d'une clarté, comme l'aspect d'un métal. Et il étendit une forme de main, et il me saisit par les boucles de mes cheveux. Et l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Et il m'amena à Jérusalem, en des visions divines, à l'entrée de la porte intérieure qui regarde au septentrion, où était placée l'idole de jalousie qui provoque la jalousie. Et voici que là était la gloire du Dieu d'Israël, selon l'aspect que j'avais vu dans la plaine. Il me dit, « Fils de l'homme, lève donc tes yeux dans la direction du septentrion. » Et je levai mes yeux dans la direction du septentrion. Et voici qu'au nord de la porte de l'autel, il y avait cette idole de jalousie, à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, afin que je m'éloigne de mon sanctuaire. Et tu verras encore d'autres grandes abominations. » Et il me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis. Et voici qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce donc la muraille. » Et je perçai la muraille, et voici qu'il y avait une porte. Et il me dit, « Viens, et vois les horribles abominations qu'ils commettent ici. » Et je vins, et je vis. Et voici qu'il y avait toutes sortes de figures de reptiles et d'animaux immondes, et toutes les horreurs de la maison d'Israël dessinées sur la muraille tout autour. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, parmi lesquels était Jézonias, fils de Saphan, se tenaient debout devant elle. Et chacun avait à la main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme, ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans ses appartements couverts de figures, car ils disent, « Le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur qui regarde le septentrion. Et voici que les femmes y étaient assises, pleurant le dieu Tammuz. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit alors dans le parvis intérieur de la maison du Seigneur. Et voici qu'à l'entrée de la maison du Seigneur, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, le dos tourné au temple du Seigneur, et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils recommencent toujours à m'irriter? Voici qu'ils portent le rameau à leur nez, et moi aussi, j'agirai avec colère. Mon œil n'épargnera point, et je serai sans pitié. Ils crieront à haute voix à mes oreilles, et je ne les entendrai point. » Chapitre 9. Et il cria d'une voix forte à mes oreilles en ces termes. « Approchez, vous qui veillez sur la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici que 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure qui regarde le septentrion, chacun ayant en main son instrument pour frapper. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire de scribe à la ceinture. Et ils entrèrent et ils se tinrent à côté de l'autel d'airain. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle se tenait, et vint vers le seuil de la maison. Et le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, qui portait une écritoire à la ceinture. Et le Seigneur lui dit, « Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque d'un tau le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et il dit aux autres, à mes oreilles, « Passez dans la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne point. » Et soyez sans pitié. Vieillards, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les jusqu'à extermination. Mais de quiconque porte sur lui le tau, n'approchez pas, et commencez par mon sanctuaire. » Et ils commencèrent par les vieillards qui étaient devant la maison. Et il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de mort les parvis. Sortez. » Ils sortirent et frappèrent dans la ville. Et quand ils eurent frappé, comme je restais seul, je tombai sur ma face. Je m'écriai et je dis, « Ah, Seigneur l'Éternel, vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en répandant ta colère sur Jérusalem ?» Il me dit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, très grande. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice. » Car ils disent, « Le Seigneur abandonne le pays. Le Seigneur ne voit rien. Moi aussi, mon œil n'épargnera point, et je serai sans pitié. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. » Et voici que l'homme vêtu de lin, qui portait une écritoire à sa ceinture, vint rendre compte en disant, « J'ai fait comme tu m'as commandé. » Chapitre 10. Et je vis, et voici que sur le firmament qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. Quelque chose paraissant ressembler à un trône apparut au-dessus d'eux. Et il dit à l'homme vêtu de lin, « Va dans les intervalles des roues, sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent pris d'entre les chérubins, et répands-les sur la ville. » Et il y alla devant mes yeux. Or les chérubins se tenaient à droite de la maison quand l'homme y alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. Et la gloire du Seigneur s'éleva de dessus les chérubins et vint sur le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis était plein de l'éclat de la gloire du Seigneur. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle. Quand il eut donné cet ordre à l'homme vêtu de lin, « Prends du feu dans l'intervalle des roues entre les chérubins. » L'homme vint se tenir à côté des roues, et le chérubin avança la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, qui le prit et sortit. Or on voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Et je vis. Et voici quatre roues auprès des chérubins, une roue à côté de chaque chérubin, et l'aspect des roues était comme celui de la pierre de Tarsis. Et quant à leur aspect, toutes quatre étaient semblables, comme si une roue était au milieu d'une autre roue. En avançant, elles allaient sur leurs quatre côtés, et ne se retournaient pas dans leur marche, car vers le lieu où se tournait la tête elles allaient, et elles ne se retournaient pas dans leur marche. Et tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes, ainsi que leurs roues, étaient remplis d'yeux tout autour. Tous les quatre avaient leurs roues. Quant aux roues, on les appelait « agiles ». Chacun des chérubins avait quatre faces. La face du premier était la face de chérubin. La face du second était une face d'homme, celle du troisième une face de taureau, et celle du quatrième une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'était l'être vivant que j'avais vu au fleuve Chobar. Quand les chérubins allaient, les roues allaient aussi à côté d'eux. Et quand les chérubins dressaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues ne se détournaient pas, elles non plus, d'à côté d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit de l'être vivant était en elles. La gloire du Seigneur se retira de dessus le seuil de la maison et s'arrêta sur les chérubins. Les chérubins dressèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux, quand ils partirent et les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur, et la gloire du Dieu d'Israël reposait sur eux par-dessus. C'était l'être vivant que j'avais vu au-dessous du Dieu d'Israël, au fleuve Chobar, et je sus que c'était des chérubins. Chacun avait quatre faces et chacun avait quatre ailes, et une ressemblance de main d'homme était sous leurs ailes. Et quant à la ressemblance de leurs faces, c'étaient les faces que j'avais vues près du fleuve Chobar. C'était le même aspect, c'étaient eux-mêmes. Chacun allait droit devant soi. Chapitre 11. L'Esprit m'enleva et m'amena à la porte orientale de la maison du Seigneur, celle qui regarde l'Orient. Et voici qu'à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jézonias, fils d'Azur, et Feltias, fils de Banaïas, chef du peuple. Et le Seigneur me dit, « Fils de l'homme, ce sont là les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville, qui disent « Le malheur n'est pas si proche, bâtissons des maisons. Cette ville est la chaudière, et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. » Et l'Esprit du Seigneur tomba sur moi, et il me dit, « Dis, ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi que vous parlez, maison d'Israël. Ce qui monte à votre esprit, moi je le connais. Vous avez multiplié vos meurtres dans cette ville et rempli ses rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts, que vous avez étendus au milieu de la ville, c'est la chair, et la ville est la chaudière. Mais on vous fera sortir du milieu d'elle. Vous craignez l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée. Oracle du Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu de la ville, je vous livrerai à la main des étrangers, et j'exercerai sur vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai à la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur. Cette ville ne sera pas pour vous la chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est à la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis le Seigneur dont vous n'avez pas suivi les ordonnances, ni pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Feltias, fils de Banaïas, mourut. Et je tombai sur ma face, et je criai à haute voix, et je dis, « Ah, Seigneur l'Éternel, vas-tu anéantir ce qui reste d'Israël ?» Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tes frères, hommes de ta parenté, et toute la maison d'Israël, ce sont tous ceux à qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin du Seigneur, c'est à nous que le pays a été donné en possession. » C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, je les ai éloignés parmi les nations, je les ai dispersés dans les pays, mais je serai pour eux un sanctuaire pendant un peu de temps, dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ils y entreront et en ôteront toutes ces infamies et toutes ces abominations. Et je leur donnerai un seul cœur. Je mettrai au-dedans d'eux un esprit nouveau, et j'ôterai de leur chair le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils gardent mes lois et les pratiquent. Et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. » Quant à ceux dont le cœur suit le cœur de leurs idoles abominables, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Oracle du Seigneur l'Éternel. Alors les chérubins dressèrent leurs ailes, et les roues se mirent en mouvement avec eux, et la gloire du Dieu d'Israël reposait au-dessus d'eux. Et la gloire du Seigneur, s'élevant de dessus le milieu de la ville, s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Et l'Esprit m'enleva et m'emmena en Chaldée auprès des captifs, en vision, dans l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut de devant moi. et je racontai aux captifs toutes les choses que le Seigneur m'avait fait voir. Chapitre 12. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une maison de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, qui ont des oreilles pour entendre et n'entendent point, car ils sont une maison de rebelles. Et toi, fils de l'homme, fais-toi un bagage d'émigrants et émigre de jour à leurs yeux. Émigre à leurs yeux du lieu où tu es dans un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une maison de rebelles. Sors ton bagage comme un bagage d'émigrants, de jour à leurs yeux. Et toi, pars le soir, à leurs yeux, comme on part pour émigrer. À leurs yeux, creuse un trou dans la muraille et sors par là ton bagage. À leurs yeux, mets-le sur ton épaule, emporte-le dans l'obscurité. Voile-toi le visage, en sorte que tu ne vois pas la terre, car je t'ai établi comme un signe pour la maison d'Israël. Je fis ainsi, selon que j'en avais reçu l'ordre. Je sortis de jour mon bagage, comme un bagage d'émigrant. Le soir, je perçai de ma main un trou dans la muraille, et je fis sortir le bagage dans l'obscurité. Je le portai sur mes épaules, à leurs yeux. Le matin, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, la maison d'Israël, la maison de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit « Que fais-tu » Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle est pour le prince qui est à Jérusalem, et pour toute la maison d'Israël qui se trouve dans cette ville. Dis. Je suis pour vous un emblème. Comme j'ai fait, ainsi il leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur son épaule dans l'obscurité et partira. On creusera un trou dans la muraille pour le faire sortir. Il se voilera le visage, en sorte qu'il ne voit pas de ses yeux la terre. J'étendrai mon filet sur lui, et il sera pris dans mes raies. Je l'emmènerai à Babylone, au pays des Chaldéens. Mais il ne le verra point, et là il mourra. Tous ceux qui l'entourent, ses auxiliaires et tous ses bataillons, je les disperserai à tout vent, et je les poursuivrai l'épée nue. Et ils sauront que je suis le Seigneur, quand je les aurai répandus parmi les nations et dispersés dans les pays. Et je laisserai d'entre eux un petit nombre d'hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, pour qu'ils racontent leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain dans l'agitation, et tu boiras ton eau dans l'inquiétude et l'angoisse. Et tu diras au peuple du pays, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel pour les habitants de Jérusalem, pour la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain dans l'angoisse, et ils boiront leur eau dans la désolation, parce que le pays sera dépeuplé de tout ce qu'il contient. » À cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes qui sont habitées seront désertes, le pays sera désolé, et vous saurez que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, qu'est-ce que ce dicton que vous répétez sur la terre d'Israël? Les jours se prolongent, toute vision reste sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ce dicton, et on ne le prononcera plus en Israël. Dis-leur au contraire. Les jours sont proches, ainsi que la réalisation de toute parole de vision. Car il n'y aura plus de vision de mensonge, ni de divination trompeuse, au milieu de la maison d'Israël. Car moi, le Seigneur, je parlerai. La parole que je dirai s'accomplira. elle ne sera plus différée. Oui, c'est en vos jours, maison rebelle, que je dirai la parole et que je l'exécuterai. Oracle du Seigneur l'Éternel. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, voici que la maison d'Israël dit. La vision qu'il voit est pour des jours lointains, et c'est pour des temps éloignés qu'il prophétise. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucune de mes paroles ne sera plus différée. La parole que je dis va s'accomplir. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 13. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent de leur chef, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, sans rien voir. Comme des renards dans des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés aux brèches, et vous n'avez pas élevé de murailles autour de la maison d'Israël, pour tenir ferme dans la bataille, au jour du Seigneur. Ils ont des visions vaines et des divinations de mensonges, ceux qui disent « Oracle du Seigneur », sans que le Seigneur les ait envoyés et qu'ils puissent espérer l'accomplissement de leurs paroles. N'est-ce pas des visions vaines que vous voyez, des divinations mensongères que vous prononcez, quand vous dites « Oracle du Seigneur » et moi, je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous proférez la vanité et que vous avez des visions de mensonges, voici que je viens à vous, oracle du Seigneur l'Éternel. Ma main sera sur les prophètes qui ont des visions vaines et des divinations de mensonges. Ils ne seront pas dans le conseil de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Attendu qu'ils ont égaré mon peuple en disant « Paix » quand il n'y avait pas de paix. Mon peuple construit un mur, et voici qu'il le couvre de plâtre. Dis à ceux qui enduisent de plâtre que le mur tombera. Viendra une pluie violente. Tombez, pierre de grêle. Vent des tempêtes, éclate. Voici que le mur est tombé. Ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'aviez couvert? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dans mon courroux, je déchaînerai un vent de tempête. Dans ma colère, je ferai venir une pluie violente. Et, dans mon courroux, des pierres de grêle pour exterminer. J'abattrai le mur que vous avez couvert de plâtre, je le renverserai par terre, et le fondement en sera mis à nu. Il tombera, et vous périrez au milieu de ses décombres, et vous saurez que je suis le Seigneur. J'assouvirai ma colère contre le mur, et contre ceux qui l'ont couvert de plâtre, et je vous dirai, plus de murs, plus de ces gens qui le replâtraient, de ces prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem et qui voyaient pour elle des visions de paix, quand il n'y avait point de paix. Oracle du Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple qui prophétisent de leur propre chef, et prophétise contre elles, et dis ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui cousent des coussins pour toutes les jointures des mains, et qui font des oreillers pour toutes les têtes de toute taille, pour prendre les âmes au piège. Vous prendriez au piège les âmes de mon peuple, et vos âmes, à vous, vivraient. Vous m'avez déshonoré auprès de mon peuple, pour une poignée d'orge et pour un morceau de pain, faisant mourir des âmes qui ne doivent point mourir, et faisant vivre des âmes qui ne doivent point vivre. trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'en veux à vos coussins, par lesquels vous prenez les âmes au piège, et je les ferai s'envoler. Ces coussins, je les déchirerai de dessus vos bras, et je délivrerai les âmes que vous prenez au piège, afin qu'elles s'envolent. Je déchirerai vos oreillers, et j'arracherai mon peuple de vos mains, et ils ne seront plus une proie dans vos mains, et vous saurez que je suis le Seigneur. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas affligé, et que vous affermissez les mains du méchant, en sorte qu'il ne revienne pas de sa voie mauvaise, pour vivre, à cause de cela, vous n'aurez plus de vision vaine, et vous n'aurez plus de divination. J'arracherai mon peuple de vos mains, et vous saurez que je suis le Seigneur. Chapitre 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, ces gens-là ont dressé dans leur cœur leurs infâmes idoles, et ils mettent devant leur face le scandale qui les fait pécher. Me laisserai-je interroger par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quiconque de la maison d'Israël dresse en son cœur ses infâmes idoles et met devant sa face le scandale qui le fait pécher, s'il vient vers le prophète, moi, le Seigneur, je lui répondrai par moi-même, comme le mérite la multitude de ses idoles, afin de prendre la maison d'Israël par son propre cœur, elle qui, avec toutes ses idoles infâmes, s'est détournée de moi. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles infâmes, et détournez votre face de toutes vos abominations. Car quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël se détourne de moi, dresse dans son cœur ses infâmes idoles et met devant sa face le scandale qui le fait pécher, s'il vient vers le prophète afin qu'il m'interroge pour lui, moi, le Seigneur, je lui répondrai moi-même. Je dirigerai ma face contre cet homme. Je le détruirai pour faire de lui un signe et un proverbe. Je le retrancherai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis le Seigneur. Et si le prophète se laisse séduire et qu'il prononce quelques paroles, c'est moi, le Seigneur, qui aurait séduit ce prophète. Et j'étendrai ma main sur lui, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. Telle l'iniquité de celui qui interroge, telle l'iniquité du prophète. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Oracle du Seigneur l'Éternel. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi par révolte, et si j'étendais ma main sur lui en brisant pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine en exterminant hommes et bêtes, et qu'il y eût ces trois hommes au milieu de ce pays, Noé, Daniel et Job, eux sauveraient leur âme par leur justice, oracle du Seigneur l'Éternel. Si je faisais passer dans le pays des bêtes malfaisantes, et qu'il fût dépeuplé, et qu'il devint un désert où personne ne passerait à cause des bêtes, et qu'il y eût ces trois hommes au milieu de ce pays, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, mais le pays serait dévasté. Ou si je faisais venir l'épée sur ce pays, et que je dise « Que l'épée passe sur le pays, en exterminant hommes et bêtes, et qu'il y eût ces trois hommes au milieu de ce pays, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste sur ce pays, et que je répandisse sur lui mon courroux dans le sang, en exterminant hommes et bêtes, et que Noé, Daniel et Job fussent au milieu de ce pays, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux sauveraient leur âme par leur justice. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Même quand j'aurai envoyé contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes malfaisantes et la peste, en exterminant hommes et bêtes, voici qu'il y aura un reste qui échappera, qui sortira de la ville, des fils et des filles. Voici qu'ils viendront vers vous. Vous verrez leur conduite et leurs œuvres, et vous vous consolerez du mal que j'aurai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'aurai fait venir sur elle. Ils vous consoleront, quand vous verrez leur conduite et leurs œuvres, et vous saurez que ce n'est pas sans cause que j'aurai fait tout ce que je lui aurai fait. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 15. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, en quoi le bois de la vigne vaut-il plus que tout autre bois, que le rameau qui est parmi les arbres de la forêt? En prend-on du bois pour en fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre quelque objet? Voici qu'on le livre au feu pour qu'il le consume. Le feu en dévore les deux bouts, et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque usage? Voici que, lorsqu'il était entier, il n'était employé à aucun ouvrage. Combien moins, quand le feu l'a consumé et brûlé, pourrait-on l'employer à quelque usage? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tel que le bois de la vigne parmi les bois de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, tel je livrerai les habitants de Jérusalem. Je dirigerai ma face contre eux. Ils ont échappé au feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand je tournerai ma face contre eux. Et je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 16. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es de la terre du Cananéen. Ton père était l'Amoréen et ta mère une Héthéenne. Quant à ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, et tu n'as pas été baigné dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté de sel, ni enveloppé de l'ange. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te rendre un seul de ses soins, par compassion pour toi. Mais on te jeta, par dégoût de toi, sur la face des champs, le jour de ta naissance. Je passais près de toi et je te vis te débattant dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te fis multiplier comme l'herbe des champs. Tu te multiplias et tu grandis. Tu acquis une beauté parfaite. Tes seins se formèrent et tu arrivas à la puberté. Mais tu étais nu, entièrement nu. Et je passai près de toi et je te vis. Et voici que ton temps était venu, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je te fis un serment, et j'entrai en alliance avec toi, oracle du Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te baignai dans l'eau, et je lavai ton sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Je te vêtis de broderies, et je te chaussai de peau de veau marin. Je ceignis ta tête d'un voile de lin, et je te couvris de soie. Je t'ornai d'une parure. Je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou. Je mis à ton nez un anneau, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un magnifique diadème. Tu t'ornas d'or et d'argent, et tu fus vêtu de lin, de soie et de broderie. La fleur de froment, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins extraordinairement belle, et tu arrivas à la dignité royale. Ton nom se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur que j'avais répandue sur toi. Oracle du Seigneur l'Éternel. Mais tu mis ta confiance en ta beauté, et tu te prostituas à la faveur de ton nom. Tu prodigas tes amours à tout passant, te livrant à lui. Et tu as pris de tes vêtements, et tu t'en es fait des hauts lieux aux couleurs variées, et tu t'es prostitué dessus. Ce qui ne s'était jamais fait, et ne se fera jamais. Tu as pris tes bijoux, fait de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, et tu les en as couvertes, et tu as mis devant elles mon huile et mon encens. Mon pain que je t'avais donné, la fleur de froment, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as mis devant elles en offrande d'agréables odeurs. Voilà ce qui s'est fait, oracle du Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés. Tu les leur as offerts en sacrifice pour qu'ils les dévorassent. Était-ce trop peu de tes prostitutions que tu aies égorgé mes fils et que tu les leur aies livrés en les faisant passer par le feu en leur honneur? Et au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, quand tu étais nu, complètement nu, te débattant dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, oracle du Seigneur l'Éternel. Tu t'es construit une voûte et tu t'es fait un tertre sur toutes les places. À chaque carrefour tu as élevé ton tertre, tu as souillé ta beauté. Tu t'es livré à tout passant, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux fils de l'Égypte, tes voisins, aux membres vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici que j'ai étendu ma main sur toi. J'ai diminué ta portion, je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Et tu t'es prostitué au fils d'Assur, parce que tu n'étais pas rassasié. Et, après t'être prostitué à eux, tu n'as pas encore été rassasié. Et tu as multiplié tes prostitutions dans le pays de Canaan jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Oh, que ton cœur est faible, oracle du Seigneur l'Éternel, pour que tu aies fait toutes ces choses. Ce que fait la prostituée la plus dévergondée. Quand tu construisais ta voûte à chaque carrefour et que tu faisais ton tertre à chaque place, tu n'étais pas comme la prostituée, car tu dédaignais le salaire. Tu étais la femme adultère qui prend des étrangers à la place de son mari. À toutes les prostituées on donne des présents, mais toi, tu as donné tes présents à tous tes amants. Tu les as payés pour qu'ils viennent vers toi, de toutes parts, pour tes prostitutions. Il t'est arrivé, dans tes prostitutions, le contraire de ce qui arrive aux autres femmes. Personne ne te recherchait. En donnant des présents alors qu'on ne t'en faisait pas, tu as été au rebours des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que ton airain a été répandu et que ta nudité a été découverte, dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, à cause de cela, voici que je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu as eu commerce. Tous ceux que tu as aimés, avec tous ceux que tu as haïs. Je vais les rassembler contre toi de toutes parts. Je découvrirai ta nudité devant eux, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai selon le droit des femmes adultères, et de celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de fureur et de jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront ta voûte et démoliront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront tes bijoux et te laisseront nu, complètement nu. Ils feront monter contre toi une assemblée. Ils te lapideront et te perceront de leurs épées. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils exécuteront contre toi des jugements sous les yeux de beaucoup de femmes. Je ferai cesser tes prostitutions, et tu ne feras plus de présent. J'assouvirai sur toi mon courroux, et ma jalousie s'éloignera de toi. Je m'apaiserai, et ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, et que tu m'as irrité par tous ces excès, voici que moi, à mon tour, je ferai retomber ta conduite sur ta tête. Oracle du Seigneur l'Éternel. Et tu ne commettras plus l'impudicité avec toutes tes abominations. Voici que tous ceux qui disent des proverbes en feront à ton sujet en disant « Telle mère, telle fille. Tu es bien la fille de ta mère qui a rejeté son mari et ses enfants, et tu es la sœur de tes sœurs qui ont rejeté leur mari et leurs enfants. Votre mère est une Héthéenne, et votre père un Amoréen. Ta grande sœur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies et agi selon leurs abominations. C'était trop peu. Tu t'es corrompu plus qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur, elle et ses filles, n'ont pas fait ce que tu as fait, toi et tes filles. Voici quel fut le crime de Sodome, ta sœur. L'orgueil, l'abondance et l'insouciant repos où elle vivait avec ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues orgueilleuses, et elles ont commis l'abomination devant moi, et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tu as multiplié tes abominations plus qu'elles ne l'avaient fait, et tu as justifié tes sœurs par toutes tes abominations que tu as commises. Porte donc, toi aussi, ton opprobre que tu rejetais sur tes sœurs, à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles. Elles sont plus justes que toi. Toi aussi, sois couverte de confusion et porte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs parmi les leurs, afin que tu portes ton opprobre et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait pour les consoler. Ta sœur Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ta sœur Sodome n'était pas nommée par ta bouche au jour de ton orgueil, avant que ta perversité fût mise à nu, comme au temps où tu fus outragée par les filles de la Syrie et de tous ses alentours, par les filles des Philistins qui t'insultaient autour de toi. Ton crime et tes abominations, tu en as porté la peine, oracle du Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec toi comme tu as agi, toi qui as méprisé ton serment en rompant l'alliance. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance que j'ai contractée avec toi au jour de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes sœurs, celles qui sont plus grandes que toi avec celles qui sont plus petites que toi, et que je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis le Seigneur, afin que tu te souviennes et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche à cause de ta confusion, quand je ferai l'expiation pour toi, pour tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 17. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, propose une énigme et raconte une parabole à la maison d'Israël. Et dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le grand aigle, aux grandes ailes, à la large envergure, et couvert d'un plumage aux couleurs variées, vint vers le Liban et enleva la cime du cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de Canaan et le plaça dans une ville de marchands. Puis il prit du plant du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, peu élevé. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep, donna des jets et poussa des branches. Il y avait un autre grand aigle, aux grandes ailes, au plumage abondant. Et voici que cette vigne étendit avidement ses racines vers lui, et que, du parterre où elle était plantée, elle poussa vers lui ses rameaux pour qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans une bonne terre, auprès d'eau abondante, de manière à pousser du feuillage et à porter du fruit, pour devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Prospérera-t-elle? N'arrachera-t-on pas ses racines? Et n'abattra-t-on pas son fruit pour qu'elle sèche? Toutes les jeunes feuilles qu'elle poussait se dessécheront. Il ne faudra ni un bras puissant, ni beaucoup de gens pour l'enlever de ses racines. Et voici qu'elle est plantée, mais prospérera-t-elle? Dès que le vent d'Orient l'aura touchée, ne séchera-t-elle pas? Dans le parterre où elle a poussé, elle séchera. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Dis donc à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici que le roi de Babylone est allé à Jérusalem, qu'il a pris son roi et ses chefs, et les a fait venir auprès de lui à Babylone. Puis il a pris un homme de la race royale, il a conclu une alliance avec lui, et lui a fait prêter serment. Il avait pris les hommes puissants du pays pour que le royaume fût dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, observant son alliance pour subsister. Mais il s'est révolté contre lui, envoyant ses messagers en Égypte pour qu'on lui donnât des chevaux et beaucoup d'hommes. Réussira-t-il? Échappera-t-il, celui qui fait de telles choses? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. C'est dans la ville du roi qu'il a fait régner, dont il a méprisé le serment et dont il a rompu l'alliance, c'est chez lui, dans Babylone, qu'il mourra. Et le Pharaon n'agira pas pour lui, dans la guerre, avec une grande armée et un peuple nombreux. Quand on élèvera des terrasses et qu'on construira des murs pour faire périr beaucoup d'hommes. Il a méprisé le serment en rompant l'alliance, et voilà qu'il avait donné sa main. Il a fait tout cela, il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant, c'est mon serment qu'il a méprisé et mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai sur lui mon ray, et il sera pris dans mon filet. Je le ferai venir à Babylone, et là je le mettrai en cause pour sa perfidie qu'il a montrée envers moi. Tous ces fuyards de toutes ces troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tout vent. Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je prendrai, moi, un rameau de la cime du cèdre élevé et je le placerai. De l'extrémité de ses branches, je couperai un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur la haute montagne d'Israël. Il poussera des branches et portera du fruit. Et il deviendra un cèdre majestueux. Tout passereau, tout oiseau habitera sous lui. Ils habiteront à l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, le Seigneur, j'ai abaissé l'arbre qui était élevé et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai fait sécher l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'agirai. Chapitre 18. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Pourquoi donc proférez-vous ce proverbe au sujet du pays d'Israël? Les pères mangent du verjus, et les dents des fils en sont agacées. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de proférer ce proverbe en Israël. Voici que toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père est à moi. L'âme qui pêche sera celle qui mourra. Si un homme est juste et pratique le droit et la justice, s'il ne mange pas sur les montagnes et n'élève pas les yeux vers les idoles infâmes de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant sa souillure, s'il n'opprime personne, s'il rend au débiteur son gage, s'il ne commet pas de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il ne prête pas à usure et ne prend pas d'intérêt, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il juge selon la vérité entre un homme et un autre, s'il suit mes préceptes et observe mes lois en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra. Oracle du Seigneur l'Éternel. Mais cet homme engendre un fils violent qui verse le sang et qui fait à son frère quelqu'une de ces choses. Mais lui-même n'a pas fait toutes ces choses. Il mange sur les montagnes, il déshonore la femme de son prochain, il opprime le pauvre et le malheureux, il commet des rapines, il ne rend pas le gage, il lève les yeux vers les idoles, il commet une abomination. Il prête à usure et prend un intérêt. Et il vivrait. Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations. Il doit mourir. Son sang sera sur lui. Mais voici qu'un homme a engendré un fils. Ce fils a vu tous les péchés qu'a commis son père. Il les a vus et n'a rien fait de semblable. Il n'a pas mangé sur les montagnes, il n'a pas levé les yeux vers les idoles infâmes de la maison d'Israël. Il n'a pas déshonoré la femme de son prochain. Il n'a opprimé personne et n'a pas pris de gage. Il n'a pas commis de rapine. Il a donné son pain à l'affamé, il a couvert d'un vêtement celui qui était nu. Il n'a pas fait peser sa main sur le pauvre. Il n'a pris ni usure, ni intérêt. Il a observé mes lois et suivi mes préceptes. Celui-là ne mourra point pour l'iniquité de son père. Il vivra certainement. Son père, qui a multiplié la violence, qui a pratiqué la rapine envers son frère et qui a fait ce qui n'était pas bien au milieu de son peuple, voici que lui, il mourra pour son iniquité. Et vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Mais le fils a agi suivant le droit et la justice. Il a observé tous mes préceptes et les a mis en pratique. Il vivra certainement. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Quant au méchant, s'il se détourne de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes préceptes et agit selon le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. De toutes les transgressions qu'il a commises, on ne se souviendra plus. À cause de la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Prendrai-je plaisir à la mort du méchant ? Oracle du Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ? Et si le juste se détourne de sa justice et qu'il commette l'iniquité, selon toutes les abominations que le méchant commet, il les ferait et il vivrait. De toutes ces œuvres de justice qu'il a pratiquées, on ne se souviendra plus, à cause de la transgression dont il s'est rendu coupable et de son péché qu'il a commis. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas droites? Quand le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que là-dessus il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Et si le méchant se détourne de sa méchanceté qu'il a pratiquée, et qu'il agisse suivant le droit et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre ses yeux et se détourne de toutes ses transgressions qu'il a commises, il vivra certainement, et il ne mourra point. Mais la maison d'Israël dit « La voie du Seigneur n'est pas droite. » Sont-ce mes voies qui ne sont pas droites, maison d'Israël? Ne sont-ce pas vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel. Détournez-vous et convertissez-vous de toutes vos transgressions, et l'iniquité ne deviendra pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Chapitre 19. Et toi, prononce une lamentation sur les princes d'Israël et dis. Pourquoi ta mère, comme une lionne, s'est-elle couchée entre des lions? Au milieu des jeunes lions, elle a nourri ses petits. Elle éleva l'un de ses petits, et ce fut un jeune lion. Il apprit à déchirer sa proie, il dévorait des hommes. Les nations entendirent parler de lui, il fut pris dans leur fosse. Elles le conduisirent, avec des crochets aux mâchoires, au pays de l'Égypte. Et la lionne vit qu'elle attendait en vain, et que son espoir était perdu. Elle prit un autre de ses petits et en fit un lion. Il marcha au milieu des lions, et ce fut un jeune lion. Il apprit à déchirer sa proie, il dévorait des hommes. Il connut leurs veuves et il ravagea leurs villes. Le pays et ce qu'il contenait fut épouvanté du bruit de son rugissement. Alors les peuples des contrées d'alentour dressèrent contre lui et étendirent sur lui leurs filets. Et il fut pris dans leur fosse. Ils le mirent dans une cage, avec des crochets aux mâchoires, et le conduisirent au roi de Babylone. Et ils le conduisirent dans des forteresses, afin qu'on n'entendît plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme une vigne au temps de ta prospérité. Elle était plantée au bord des eaux. Elle donna du fruit et poussa du feuillage. À cause des eaux abondantes. Elle avait des branches vigoureuses pour des sceptres de souverain, et sa taille était élevée parmi les rameaux touffus. Elle apparut dans sa grandeur avec la multitude de ses sarments. Mais elle a été arrachée avec fureur, et elle a été jetée par terre. Et le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses branches vigoureuses ont été rompues et desséchées, le feu les a dévorées. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Un feu est sorti d'un de ses rameaux, il a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux puissants, de sceptre pour dominer. C'est là une lamentation, et elle deviendra une lamentation. Chapitre 20. La septième année, au cinquième mois, le 10 du mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent consulter le Seigneur et s'assirent devant moi. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai point consulter par vous. Oracle du Seigneur l'Éternel. Les jugeras-tu? Les jugeras-tu, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël et où j'ai levé ma main pour la postérité de Jacob, où je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte et où j'ai élevé ma main pour eux en disant « Je suis le Seigneur, votre Dieu ». En ce jour-là, j'ai levé ma main pour eux en leur jurant de les faire sortir du pays d'Égypte et de les amener dans un pays que j'avais exploré pour eux, où coule le lait et le miel. C'était le joyau de tous les pays. Et je leur dis, « Rejetez chacun les idoles infâmes de vos yeux. Ne vous souillez pas par les abominations de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Mais ils se révoltèrent contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Ils ne rejetèrent pas chacun les idoles infâmes de leurs yeux, et ils n'abandonnèrent pas les abominations de l'Égypte. Je pensais à répandre sur eux mon courroux, à épuiser sur eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Mais j'agis à cause de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, à la vue desquelles je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis au désert. Je leur donnai mes préceptes et leur fis connaître mes ordonnances, par lesquelles l'homme qui les pratique aura la vie. Je leur donnai aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent pas mes lois et rejetèrent mes ordonnances, par lesquelles l'homme qui les pratique vivra, et ils profanèrent extrêmement mes sabbats. Je pensais à répandre sur eux mon courroux dans le désert pour les exterminer. Mais j'agis à cause de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations à la vue desquelles je les avais fait sortir. Et même je levai ma main contre eux dans le désert, leur jurant de ne pas les faire entrer dans le pays que je leur avais donné, où coule le lait et le miel. C'est le joyau de tous les pays. Parce qu'ils avaient rejeté mes ordonnances et qu'ils n'avaient pas suivi mes lois, et parce qu'ils avaient profané mes sabbats, car leur cœur suivait leurs idoles infâmes. Mais mon œil eut pitié d'eux, pour ne pas les détruire, et je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, « Ne suivez pas les observances de vos pères, ne gardez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs infâmes idoles. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et pratiquez-les, et sanctifiez mes sabbats pour qu'ils soient un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, votre Dieu. » mais les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent pas mes préceptes et n'observèrent pas, en les mettant en pratique, mes ordonnances, par lesquelles l'homme qui les pratique vivra. Et ils profanèrent mes sabbats. Je pensais à répandre mon courroux sur eux, à épuiser sur eux ma colère dans le désert. Mais j'ai détourné ma main et j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations à la vue desquelles je les avais fait sortir. Même je levai ma main contre eux dans le désert, leur jurant de les disperser parmi les nations et de les répandre dans les pays, parce qu'ils n'avaient pas pratiqué mes ordonnances, qu'ils avaient rejeté mes préceptes et profané mes sabbats, et que leurs yeux avaient suivi les idoles infâmes de leurs pères. Et même je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Et je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tout premier-né, et cela pour les ravager, afin qu'ils connussent que je suis le Seigneur. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Encore en ceci, vos pères m'ont outragé, en ce qu'ils ont été infidèles envers moi. Quand je les eus fait entrer dans le pays que j'avais juré, la main levée, de leur donner, partout où ils ont vu une colline élevée et un arbre touffu, ils y ont offert leurs sacrifices et présenté leurs offrandes qui excitaient ma colère. Ils y ont apporté leurs parfums d'agréable odeur et y ont répandu leurs libations. Et je leur dis, « Qu'est-ce que le haut lieu où vous allez ?» Et il fut appelé haut lieu jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Quoi ? Vous vous souillez à la manière de vos pères, et vous vous prostituez après leurs abominations. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez avec toutes vos infâmes idoles jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant. Oracle du Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. Et elle ne se réalisera pas la pensée qui monte à votre esprit, quand vous dites « Nous serons comme les nations, comme les autres familles des pays, servant le bois et la pierre. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. À main forte, à bras étendus, à courroux répandus, je régnerai sur vous. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés à main forte, à bras étendus et à courroux répandus. Et je vous mènerai au désert des peuples, et là j'entrerai en jugement avec vous face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous. Oracle du Seigneur l'Éternel. Et je vous ferai passer sous la houlette, et je vous amènerai sous la discipline de l'Alliance. Et je séparerai d'avec vous les rebelles et ceux qui se sont détachés de moi. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils ne viendront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez servir chacun vos idoles. Mais, après cela, certainement vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et vos infâmes idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tout ce qu'il y a dans le pays, me servira. Là je prendrai plaisir en eux. Là je rechercherai vos offrandes et les prémices de vos dons en tout ce que vous me consacrerez. Je prendrai plaisir en vous comme en un parfum d'agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir d'entre les peuples et que je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes dispersés, et je me sanctifierai en vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand je vous aurai amené dans la terre d'Israël, au pays que j'ai juré, la main levée, de donner à vos pères. Là vous vous souviendrez de vos voies et de tous les crimes par lesquels vous vous êtes souillés, et vous vous prendrez vous-même en dégoût pour toutes les mauvaises actions que vous avez commises. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'agirai envers vous à cause de mon nom, et non selon vos voies mauvaises et vos crimes détestables, maison d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 21. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face dans la direction de Théman, fais découler ta parole vers le sud, et prophétise contre la forêt de la campagne du Midi, et dis à la forêt du Midi, « Écoute la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais allumer au milieu de toi un feu, et il dévorera en toi tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme dévorante ne s'éteindra point, et toute face sera brûlée par elle, du Midi au Septentrion. Et toute chair verra que c'est moi, le Seigneur, qui l'ai allumée, et elle ne s'éteindra pas. » Et je dis, « Ah, Seigneur l'Éternel, ils disent de moi, est-ce qu'ils ne parlent pas en parabole ? » Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et fais découler ta parole vers les lieux saints, et prophétise contre la terre d'Israël. Dis à la terre d'Israël, ainsi parle le Seigneur. Voici que je viens à toi, je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai de ton sein juste et méchant. Et parce que je vais exterminer de ton sein juste et méchant, à cause de cela, mon épée sortira de son fourreau contre toute chair, du Midi au Septentrion. Et toute chair saura que c'est moi, le Seigneur, qui ai tiré mon épée du fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, jusqu'à te rompre les reins avec amertume, gémis devant eux. Et quand ils te diront, « Pourquoi gémis-tu ? » Tu répondras, « À cause d'une nouvelle qui arrive. » Et tout cœur se fondra, toute main faiblira, tout esprit sera dans le trouble, tout genou s'en ira en eau. Voici qu'elle arrive, c'est fait, oracle du Seigneur l'Éternel. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur. Dis, l'épée est aiguisée et fourbie, c'est pour faire un massacre qu'elle est aiguisée, pour faire briller l'éclair qu'elle est fourbie. Ou bien nous réjouirons-nous en disant, le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à fourbir pour qu'on la prenne en main. C'est une épée aiguisée et elle est fourbie, pour qu'on la mette dans la main de l'égorgeur. Crie et hurle, fils de l'homme, car elle est pour mon peuple. Elle est pour tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse, car l'épreuve est faite. Et quoi donc? Si ce sceptre continue de mépriser, mes menaces ne se réaliseraient pas. Oracle du Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe main contre main. Que l'épée double, triple ses coups. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage qui les encercle. Pour que les cœurs se fondent et pour multiplier les victimes, j'ai mis à toutes les portes l'épée meurtrière. Ah, elle est préparée pour lancer l'éclair, elle est aiguisée pour le carnage. En position à droite, en place à gauche, fais face de tous côtés. Moi aussi, je frapperai main contre main, et j'assouvirai mon courroux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. » Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Toi, fils de l'homme, trace deux chemins par où puisse aller l'épée du roi de Babylone. Que tous deux partent du même pays et gravent un signe. Grave-le à l'entrée du chemin d'une ville. Tu traceras un chemin à l'épée pour aller à Rabat, capitale des fils d'Ammon, ou en Juda, contre Jérusalem, ville forte. Car le roi de Babylone s'est arrêté au carrefour, à la tête des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Dans sa droite est le présage, Jérusalem, pour dresser des béliers contre les murailles, pour ouvrir une entrée par une brèche, pour pousser à haute voix le cri de guerre, pour dresser des béliers contre les portes, pour élever des terrasses, pour construire des murs. À leurs yeux, ce n'est qu'une divination mensongère. Ils ont pour eux les serments les plus sacrés. Mais lui les fera souvenir de leurs iniquités lorsqu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez rappelé votre iniquité en manifestant vos transgressions, en faisant voir vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous vous êtes rappelé au souvenir, vous serez pris avec la main. Et toi, profane, méchant prince d'Israël, dont le jour est venu, maintenant que l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare va être ôtée et la couronne enlevée. Tout sera bouleversé. Ce qui est bas sera élevé, ce qui est haut sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Cela ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel contre les fils d'Ammon et au sujet de leurs outrages. Dis. L'épée est tirée pour massacrer. Elle est fourbie pour dévorer, pour lancer l'éclair. Pendant qu'on a pour toi des visions vaines et des présages menteurs. Pour te placer avec les cadavres des méchants livrés au glaive, dont le jour est venu au temps où l'iniquité est à son terme. Rentre ton épée dans son fourreau. C'est dans le lieu où tu as été créé, sur la terre où tu as pris naissance, que je te jugerai. Je répandrai sur toi mon courroux. Avec le feu de ma fureur, je soufflerai sur toi. Et je te livrerai aux mains d'hommes insensés, à des artisans de destruction. Tu seras la pâture du feu, ton sang sera au milieu du pays, on ne se souviendra pas de toi, car moi, le Seigneur, j'ai parlé. Chapitre 22. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville de sang? Fais-lui connaître toutes ses abominations, et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ville qui répand le sang au-dedans d'elle, pour que son temps vienne, et qui se couvre d'idoles infâmes pour se souiller. Par le sang que tu as répandu, tu t'es rendu criminel. Par les idoles infâmes que tu as faites, tu t'es souillé. Et tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je t'ai rendu un objet d'opprobre pour les nations et une risée dans tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont loin de toi se moqueront de toi, souillés de réputation, grande en désordre. Voici que les princes d'Israël, chacun selon ses forces, sont occupés chez toi à répandre le sang. Chez toi, on méprise père et mère. Au milieu de toi, on maltraite l'étranger. Chez toi, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises mon sanctuaire et tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des gens qui calomnient pour répandre le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes. On commet des énormités au milieu de toi. Chez toi, on découvre la nudité de son père. Chez toi, on fait violence à la femme pendant sa souillure. L'un commet l'abomination avec la femme de son prochain. Un autre souille par l'impureté sa belle-fille chez toi. Un autre fait violence à sa sœur, fille de son père. Chez toi, on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu prends l'usure et un intérêt. Tu dépouilles par la violence ton prochain. Et moi, tu m'oublies. Oracle du Seigneur l'Éternel. Mais voici que je frappe dans ma main à cause du gain déshonnête que tu as fait, et à cause du sang qui est au milieu de toi. Ton cœur tiendra-t-il bon? Tes mains seront-elles fermes au jour où j'agirai contre toi? Moi, le Seigneur, j'ai dit et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te sèmerai dans les pays, et j'ôterai de toi toute ta souillure. Et tu seras profané chez toi aux yeux des nations. Et tu sauras que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, la maison d'Israël s'est changée pour moi en scorie. Eux tous sont de l'airain, de l'étain, du fer et du plomb au milieu du fourneau. Ils sont devenus les scories de l'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus des scories, à cause de cela, voici que je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem. Comme on met ensemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain au milieu d'un fourneau, et qu'on souffle le feu sur le fourneau pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et mon courroux. Je vous mettrai là et je vous fondrai. Je vous rassemblerai et je soufflerai sur vous, avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme on fond l'argent au milieu d'un fourneau, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai répandu mon courroux sur vous. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dis-lui, tu es une terre qui n'a pas été purifiée, qui n'a pas été lavée par la pluie en un jour de colère. Il y a au milieu d'elle une conspiration de ses prophètes. Comme un lion rugissant qui déchire sa proie, il dévore les âmes, il s'empare des biens et des trésors, il multiplie ses veuves au milieu d'elle. Ces prêtres ont violé ma loi et profané mon sanctuaire. Ils ne distinguent pas entre le saint et le profane. Ils n'enseignent pas la différence entre celui qui est souillé et celui qui est pur. Ils ferment leurs yeux sur mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont au milieu d'elles comme des loups qui déchirent leur proie, répandant le sang, perdant des âmes pour faire des gains. Et ces prophètes leur plâtrent tous ces crimes. Ils ont des visions vaines et des oracles menteurs. Ils disent : Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et le Seigneur n'a point parlé. Le peuple du pays commet des violences et s'adonne à la rapine. Ils foulent le malheureux et l'indigent et font violence à l'étranger sans motif. J'ai cherché parmi eux un homme qui fit une clôture. Et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne détruise pas, et je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai répandu sur eux mon courroux, et je les ai consumés par le feu de ma fureur, et j'ai fait retomber leurs œuvres sur leur tête. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 23. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se prostituèrent en Égypte, elles se prostituèrent dans leur jeunesse. Là on a saisi leurs mamelles, là on a pressé leur sein virginal. Voici leurs noms. Ola la plus grande, et Oholibama, sa sœur. Elles furent à moi, et elles enfantèrent des fils et des filles. Voici leurs noms. Ohola, c'est Samarie. Oholibama, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Elle brûla d'amour pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtue de pourpre, gouverneurs et magistrats, tous beaux jeunes hommes, cavaliers montés sur des chevaux. C'est vers eux qu'elle dirigea ses prostitutions, vers toute l'élite des fils de l'Assyrie. Et près de tous ceux pour qui elle brûlait d'amour, elle se souilla avec toutes leurs infâmes idoles. Et elle n'abandonna pas ses prostitutions de l'Égypte, car ils l'avaient déshonorée dans sa jeunesse. Ils avaient pressé son sein virginal et répandu sur elle leur impudicité. C'est pourquoi je l'ai livrée aux mains de ses amants, aux mains des fils de l'Assyrie, pour qui elle avait brûlé d'amour. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont égorgée avec l'épée. Et elle devint en renom parmi les femmes, car justice en avait été faite. Et sa sœur Oholibama l'a vue, et plus qu'elle, elle a rendu pervers ses amours, et ses prostitutions ont surpassé celles de sa sœur. Elle a brûlé d'amour pour les fils de l'Assyrie, gouverneurs et chefs, ses voisins richement vêtus, cavaliers montés sur des chevaux, tous beaux jeunes hommes. Je vis qu'elle aussi se souillait. Toutes deux suivaient la même voie. Elle ajouta encore à ses prostitutions. Elle vit des hommes peints sur le mur, des images de Chaldéens peintes au vermillon. Ils portaient des ceintures sur leurs reins, ils avaient sur leur tête d'amples turbans. Tous paraissaient de grands seigneurs. C'étaient les figures des fils de Babylone, dont la Chaldée était la terre d'origine. Elle brûla pour eux dès que ses yeux les virent, et elle envoya des messagers vers eux en Chaldée. Et les fils de Babylone vinrent vers elle au lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution, et elle se souilla avec eux. Puis son âme se dégoûta d'eux. Elle fit voir à découvert ses prostitutions, elle découvrit sa nudité, et son âme se dégoûta d'elle, comme mon âme s'était dégoûtée de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions, se rappelant les jours de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle a brûlé pour ses impudiques, dont les membres sont des membres d'âne, et l'ardeur lubrique celle des étalons. Tu es revenu au crime de ta jeunesse, quand les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, Oholibama, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais exciter contre toi tes amants, ceux dont ton âme s'est dégoûtée, et je les ferai venir contre toi de toutes parts, les fils de Babylone et tous les Chaldéens, princes, chefs et seigneurs, et avec eux tous les fils de l'Assyrie, beaux jeunes hommes, tous gouverneurs et magistrats, dignitaires et personnages illustres, tous montés sur des chevaux. Contre toi s'avancent armes, chars et roues, avec une multitude de peuples. Ils disposent contre toi boucliers, écus et casques. Je remets devant eux le jugement, et ils te jugeront selon leur loi. Je dirigerai ma jalousie contre toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui restera de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront tes bijoux. Je mettrai un terme à ton crime et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne lèveras plus les yeux vers eux, et tu ne te souviendras plus de l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais te livrer aux mains de ceux que tu hais, aux mains de ceux dont ton âme s'est dégoûtée. Ils te traiteront avec haine, ils emporteront tout ce que tu as gagné, et te laisseront nu, complètement nu. et ta nudité impudique, ton impureté et tes prostitutions seront découvertes. On te traitera ainsi parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé avec leurs idoles infâmes. Tu as marché dans la voie de ta sœur, je mettrai sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, coupe profonde et large. Elle donnera à rire et à se moquer de toi, tant est grande sa capacité. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est une coupe de désolation et de dévastation que la coupe de ta sœur, Samarie. Tu la boiras et la videras. Tu en mordras les morceaux et t'en déchireras le sein. Car moi j'ai parlé. Oracle du Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié et que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc, toi aussi, la peine de ton impureté et de tes prostitutions. Et le Seigneur me dit, Fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare-leur leurs abominations, car elles ont été adultères, et il y a du sang dans leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles infâmes, et même leurs fils qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils les mangent. Voici encore ce qu'elles ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire en ce jour-là, et elles ont profané mes sabbats. Et lorsqu'elles immolaient leurs fils à leurs idoles infâmes, elles entraient le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. Voilà ce qu'elles ont fait au milieu de ma maison. Et même elles ont envoyé chercher des hommes venant de loin, et ceux à qui avait été envoyé un messager, voici qu'ils sont venus. Ceux pour qui tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es orné de parure. Et tu t'es assise sur un lit d'apparat, devant lequel une table était dressée, où tu as posé mon encens et mon huile. On y entendait le bruit d'une foule à l'aise. Aux gens venus des grands amas d'hommes se sont joints les buveurs du désert, qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs, et des couronnes magnifiques sur leurs têtes. Et je dis à cette femme usée dans les adultères, « Va-t-elle maintenant continuer ses prostitutions, elle aussi ?» On va vers elle comme on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé chez Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les condamneront à la peine des femmes adultères, et à la peine de celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, et il y a du sang dans leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Fais monter contre elles une assemblée, et qu'on les livre à la terreur et au pillage, et que l'assemblée les accable sous les pierres, et les taille en pièces avec ses épées. Qu'on tue leurs fils et leurs filles, et qu'on brûle au feu leur maison. Et je ferai cesser l'impureté dans le pays, et toutes les femmes en recevront une leçon, et ne commettront point des impuretés pareilles aux vôtres. On fera retomber votre impureté sur vous, et vous porterez la peine de votre idolâtrie. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Chapitre 24. La parole du Seigneur me fut adressée la 9e année, au 10e mois, le 10 du mois, en ces termes. Fils de l'homme, mets par écrit le nom de ce jour, de ce propre jour-ci. Le roi de Babylone s'est jeté sur Jérusalem en ce jour même. Propose une parabole à la maison rebelle et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dresse la chaudière, dresse-la et verse-y de l'eau. Amasse-y ses morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule. Remplis-la des meilleures eaux. Prends ce qu'il y a de mieux dans le troupeau. Entasse aussi les eaux sous la chaudière. Fais-la bouillir à gros bouillon, et que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville de sang, chaudière dans laquelle il y a du ver de gris, et de laquelle le ver de gris n'est pas sorti. Vide-la morceau par morceau, sans tirer au sort, car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle, elle l'a mis sur la roche nue, elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin d'exciter le courroux, afin de tirer vengeance, j'ai fait verser le sang qu'elle a répandu sur la roche nue, pour qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville de sang! Moi aussi, je dresserai un grand monceau de bois. Amasse le bois, allume le feu, fais fondre la chair, fais bouillir la bouillie, et que les eaux soient consumées par le feu. Puis pose la chaudière vide sur ses charbons, afin qu'elle s'échauffe, que son airain s'embrase et que sa souillure se fonde au milieu d'elle, que son ver de gris soit consumé. Effort inutile, sa masse de ver de gris ne s'en va pas, son ver de gris résiste au feu. Dans ta souillure, il y a une énormité. Puisque je t'ai purifié et que tu n'es pas devenu pur, tu ne seras jamais plus purifié de ta souillure, jusqu'à ce que j'aie fait reposer sur toi mon courroux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Cela arrivera et je le ferai. Je ne lâcherai point, je n'épargnerai point, je ne me repentirai point. On te jugera selon tes voies et selon tes forfaits. Oracle du Seigneur l'Éternel. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, voici que je vais t'enlever par un coup soudain les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne fais pas le deuil des morts. Ceins ta tête de ton turban et mets ta chaussure à tes pieds. Ne te voile pas la barbe, et ne mange pas le pain de consolation. Je parlais au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné, et le peuple me dit : Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais là ? Je leur dis : La parole du Seigneur m'a été adressée en ces termes. Dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux et l'amour de vos âmes. Et vos fils et vos filles que vous avez quittés tomberont par l'épée. Vous ferez alors ce que j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe et vous ne mangerez pas le pain de consolation. Vos turbans resteront sur vos têtes, et vos chaussures à vos pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous vous consumerez dans vos iniquités et vous gémirez l'un auprès de l'autre. Ézéchiel sera pour vous un emblème. Selon tout ce qu'il a fait, vous agirez quand cela arrivera, et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur ôterai ce qui fait leur force, leur gloire et leur joie, les délices de leurs yeux et le désir de leur âme, leurs fils et leurs filles. En ce jour-là, un fugitif viendra vers toi pour en apporter la nouvelle. En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira à l'arrivée du fugitif. Tu parleras et ne seras plus muet, et tu seras pour eux un emblème. Ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel.